Saint François d'Assise, la légende des trois compagnons, Arvède Barine, chapitre 18, de sa canonisation. Il resplendissait donc de ce nouvel éclat des miracles dans les diverses parties du monde, et de toutes parts accouraient vers son corps sacré ceux qui, par ses mérites, avaient reçu de Dieu des bienfaits signalés. Après avoir lu le récit de miracles que le Seigneur avait opéré par son moyen, et en avoir reconnu la vérité, Monseigneur le pape Grégoire, sur l'avis des cardinaux et de beaucoup d'autres prélats, l'inscrivit dans le catalogue des saints et ordonna que sa fête serait célébrée solennellement le jour anniversaire de sa mort. Cette célébration eut lieu à Assise, en présence de nombreux prélats, de princes et de barons, et d'une foule innombrable de gens venus de toutes les parties du monde, que le pape avait fait convoquer pour cette solennité, l'année du Seigneur 1228, et la seconde de son pontificat. Le même pontife ne se contenta pas d'accorder le suprême honneur de la canonisation à ce saint qu'il avait tant aimé. Il voulut encore enrichir de ses dons sacrés et des ornements les plus précieux l'église qui fut construite en son honneur et dont il posa lui-même la première pierre. 2 ans après la canonisation, les restes sacrés du saint furent transférés du lieu où ils avaient été d'abord déposés, et amenés en grande pompe à cette église. Le pape envoya à l'église une croix d'or ornée de pierres précieuses, dans laquelle était enfermé un morceau du bois de la Sainte Croix, et des vases destinés au service de l'autel, avec de magnifiques vêtements pour les solennités. Il affranchit cette église de toute juridiction inférieure, et, en vertu de son autorité apostolique, la déclara la capitale et la mère de l'ordre entier des frères mineurs, ainsi que cela résulte d'un privilège publié avec bulle, qui fut signé par tous les cardinaux. Mais c'eût été peu que le saint de Dieu fût honoré en des choses privées de sentiment, si le Seigneur n'avait voulu guérir et convertir beaucoup de gens par lui qui étaient morts corporellement mais qui, en esprit, vivaient dans la gloire. Non seulement un grand nombre de personnes du commun, de l'un ou de l'autre sexe, furent, après sa mort, converties par ses mérites, mais des grands et des nobles avec leurs fils prirent l'habit de l'ordre, tandis que leurs femmes et leurs filles s'enfermaient dans les couvents des dames pauvres. Markham Dan, archive.org. D'après la numérisation de l'Université de Toronto, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.